Серж Мартине. Прослушайте текст и опишите распорядок дня Сержа Мартине. Серж Мартине a 14 ans. Il va au lycée Pasteur. Il n'habite pas très loin du lycée, mais il est toujours pressé le matin. Sa mère le réveille à 6h30, à 7h moins le quart, et encore à 7h. À 7h15, Serge dort encore. Voilà pourquoi il est toujours pressé. Une autre difficulté, c'est qu'il a une sœur. Sa sœur va au lycée, elle aussi, et elle attache beaucoup d'importance à l'opinion des garçons. Elle reste des heures dans la salle de bain, devant le miroir, et Serge attend et attend et attend. Serge n'arrive jamais à partir à l'heure. Chaque fois qu'il prend son petit déjeuner, il part en retard. Il ne veut jamais de petit déjeuner, mais sa mère insiste toujours. D'habitude, il prend du café au lait, du pain et du beurre, mais quelquefois sa mère achète des croissants parce que Serge les aime beaucoup. Serge part de la maison à 8h moins 10. Quand l'autobus arrive tout de suite, tout va bien. Les cours commencent à 8h15. Souvent, Serge arrive au lycée à 8h14. Ses matières principales sont le français, le latin, l'anglais, le russe, l'histoire et les maths. Serge aime beaucoup l'anglais. Ce n'est pas parce que son professeur d'anglais est intéressant, mais il y a un lecteur américain qui fait un cours de conversation et Serge l'aime bien. Le lecteur apporte au lycée des magazines américains et des disques de jazz. Et aussi, il ne donne jamais de devoirs.